إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, le jeudi, le premier du mois Safar de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 17 août 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette conférence dans le sujet et comment vaincre et combattre le waswas obsessionnel en particulier, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'idée de cette conférence, c'est que nous avons fait un livre d'un grand imam ensemble qui traite le même sujet en plusieurs conférences. Et j'ai constaté que certains de nos frères et sœurs ne pouvaient pas suivre toute cette série afin de tirer le maximum de profit avec la permission d'Allah. J'ai voulu faire une conférence qui n'indispense pas de revenir à cette série et à ce livre de l'imam Ibn Qudama, Dhammul Waswas, mais qui permet à nos frères et sœurs qui sont éprouvés par cette maladie, la maladie de l'waswas obsessionnel, d'avoir des solutions rapidement et de leur donner envie par la suite de revenir à cette série. Et également, ce cours concerne également ceux qui ne sont pas touchés, afin de savoir comment on doit traiter cette maladie s'ils ont des personnes dans leur entourage. Et également, d'une manière générale, comprendre les stratagèmes et les ruses de Shaitan pour égarer le fils de Adam. Donc, ce sujet est d'une très très grande importance pour nous tous, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité et la conformité à la sunna dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Le premier point le plus important avec lequel j'aimerais commencer, mais je ne vais pas m'attarder sur les textes et sur les dalils. On va rentrer directement dans le vif du sujet et aborder les questions pratiques dans le traitement de cette maladie. Mais il y a quelques notions qu'on doit se rappeler en permanence. Et aussi l'idée, c'est que ce cours soit d'une courte durée afin que la personne qui est éprouvée puisse le réécouter à chaque fois qu'elle tombe dans le piège de Shaitan. Car elle peut apprendre aujourd'hui les solutions et les comprendre, mais les oublier par la suite. Quelque chose qu'elle puisse écouter régulièrement, jusqu'à ce que ces idées-là s'ancrent en elle, dans son cœur et dans son âme. la première notion très, très très importante dans notre religion, qui représente un pilier de la foi et sans lequel la foi ne peut être validée, c'est la notion du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous savons tous, Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Allah Azza wa Jalla dit dans son livre « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a tout créé selon un décret. Un décret déterminé à l'avance. Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné. Donc, si tu es éprouvé par le waswas, sache que ça rentre dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce que Allah a décrété. Et ça, ça t'aide à accepter la situation dans laquelle tu es. Et ça, c'est quelque chose qui a un rôle très important dans la guérison avec la permission d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a tout décrété. Et également, la deuxième notion très importante, c'est d'apprendre et de méditer sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la sagesse absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos yeux et avec notre science. Nous la voyons dans tout ce qui nous entoure, à commencer par notre propre corps. L'être humain, quand il médite sur son corps et sur les différents systèmes qu'il a dans son corps, il voit une précision, une munitie, une sagesse absolue qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Alors celui qui a créé cet homme, selon cette organisation, cet ordre et cette structuration parfaite, c'est lui le même qui a prédestiné que tu sois éprouvé par cette maladie. Donc, augmente ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et accepte son décret. Et al-waswas, mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une maladie comme toute autre maladie. Comme quand tu es touché par le diabète, tu es touché par n'importe quelle maladie, tu acceptes ta situation et que tu es éprouvé par cette maladie. Et tu réalises les nombreuses sagesses divines à travers cette épreuve. Tu ne peux jamais connaître toutes les sagesses d'Allah dans une seule législation, dans un seul décret. Tu ne peux jamais connaître toutes ces sagesses, subhanahu wa ta'ala. Mais, comme tu connais Allah, et que tu connais qu'il est le sage par excellence, tu places ta confiance en lui. Tu places ta confiance en lui. Et Shaitan, justement, à travers cette maladie, il essaye d'affaiblir ta confiance en Allah, de te faire douter de sa sagesse absolue. C'est pour ça, ce sont les deux notion très importante à avoir en permanence avec toi. Ensuite, nous devons apprendre à faire la distinction. Donc les versets sont très nombreux dans le Coran par rapport au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Il a créé toute chose en proportion déterminée. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. Rends gloire au nom de ton Seigneur le plus haut, celui qui crée et façonne, celui qui prédestine et guide. Donc tout ce que Allah a prédestiné est un bien pour toi, bien évidemment, si tu acceptes son décret et tu te soumets à sa volonté et tu fais les causes qu'il t'a légiférées. N'oublie jamais, mon frère et ma sœur en Allah, que dans cette dunya, t'es ici pour l'épreuve. T'es ici pour être éprouvé. Cette dunya, c'est une demeure d'épreuve et de test. Le point suivant concerne d'apprendre à distinguer entre une ambiguïté et un waswas. Il faut que tu apprennes à distinguer entre l'ambiguïté et le waswas. Le waswas, ce sont ces insufflations que tu reçois dans ta tête et qui viennent de Shaitan. L'ambiguïté, c'est une mauvaise interprétation d'un texte religieux. Donc l'ambiguïté, c'est une mauvaise interprétation d'un texte religieux. Tu t'appuies sur un texte que tu as mal compris, ou bien le texte n'est pas authentique. En tout cas, ça provient d'une interprétation d'un texte religieux qui donne lieu à une ambiguïté. Comme nous avons tous, la solution de l'ambiguïté est de lui trouver une réponse. Et dès que tu arrives à la réponse de cette ambiguïté, ce qui te permet de dissiper cette ambiguïté, elle disparaît automatiquement et elle ne revient plus jamais. Si tu as eu la réponse qui t'a convaincu et t'es arrivé à la certitude que c'est la bonne réponse et que c'était uniquement une ambiguïté, cette ambiguïté disparaît à jamais chez toi. Ça, c'est l'ambiguïté. Donc l'ambiguïté, on cherche à la dissiper et on lui trouve une réponse. C'est ça la solution quand t'es touché par une ambiguïté. Tout en sachant que le croyant doit se préserver. Ce n'est pas toute ambiguïté qui pénètre dans ton cœur, tu arriveras à la résoudre et lui trouver une réponse. Ce n'est pas toute ambiguïté qui pénètre dans ton cœur, tu trouveras le moyen de la sortir du cœur, comme ont dit les salafs. Car les ambiguïtés sont dangereuses. Les ambiguïtés sont dangereuses et les cœurs sont fragiles. Alors préserve-toi de toutes les ambiguïtés. Lakin, si jamais il y a une ambiguïté qui s'installe dans ton cœur par rapport à n'importe quel sujet religieux, alhamdoulilah, dans notre religion, il y a réponse à toute question et il y a la dissipation de toute ambiguïté. Il faut juste que tu tombes sur la bonne personne, la personne ayant la science. Maintenant, après avoir compris comment on se comporte face aux ambiguïtés, il faut que tu saches que ce n'est pas du tout la même méthodologie face au waswas. Quand tu es touché par le waswas, ce n'est pas du tout la même solution. Et malheureusement, pourquoi c'est un des points pratiques avec lesquels j'ai préféré commencer, parce que beaucoup d'entre nous ne font pas la différence entre l'ambiguïté et le waswas. Et quand il est touché par un waswas obsessionnel, il finit par croire qu'il a des ambiguïtés dans la religion. Et ensuite, il a des doutes dans la religion. Et il commence à douter de sa foi. Imaginez, il doute de sa foi suite à ses waswas en pensant que c'est des ambiguïtés. Alors que lui, il réalise pertinemment qu'il n'a pas d'ambiguïté, qu'il n'a pas de doute vis-à-vis de sa religion. Et même pire encore, moi je peux douter de ce que je pense, mais je ne peux jamais douter de ce que me dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il a été interrogé au sujet de ses waswas, il a dit « ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ » Et dans une autre riwaya, il a dit « تِلْكَ مَحْضُ الْإِيمَانِ » en parlant de l'waswasa. Comme dans le hadith de Mas'ud, qu'Allah l'agré, le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé au sujet de l'waswasa, il a dit, c'est la foi pure. Ça, c'est la foi pure, rapportée par l'imam muslim. Également, dans une autre riwaya de l'imam muslim, des gens, parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sont venus interroger le prophète alayhi salatu wassalam. Ils lui ont dit, ô messager d'Allah, on a des pensées qui sont tellement graves que l'un d'entre nous préfère tomber du ciel que d'avoir eu ces pensées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous avez eu ça? Ils ont dit oui, ô messager d'Allah. Il a dit, ça c'est la foi sincère, ça c'est la foi ferme. Allahu Akbar. T'as bien écouté ce que dit le Nabi alayhi salatu wassalam au sujet de cette waswasa que tu détestes à ce point-là, que t'aurais préféré tomber du ciel, tomber du sommet d'une montagne, que d'avoir eu cette pensée. Pourquoi tu détestes ça? Parce que t'es un croyant, t'as une foi forte qui repousse ses pensées et qui déteste ses pensées à ce point-là. Allahu Akbar. Et le fait de les détester à ce point-là, ça, c'est un signe de la force de ta foi. Contrairement à un kafir qui a des pensées comme ça. Est-ce que ça le perturbe? Est-ce que ça le dérange? Absolument pas. Lakin, le croyant qui a le souci de sa religion, et justement ce souci qui est une qualité, t'es soucieux de ta religion, t'es préoccupé par préserver ta religion, Shaitan, il arrive à se servir de cette qualité pour transformer ta vie en un calvaire. Pourquoi? Tout simplement parce que t'as pas écouté les conseils prophétiques. T'as pas suivi les enseignements prophétiques. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il te dit que quant à ses pensées, ça c'est un signe de la fermeté de ta foi et de la force de ta foi. Et Shaitan, il te dit non, tu doutes de ta religion. Tu doutes de ta religion. Il arrive à te faire douter et tu le crois et tu le suis et tu n'écoutes pas ce que le Nabi alayhi salam te dit. Donc, al-waswasa, frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose que Shaitan fait pour te faire douter de ta religion. Et le fait de la détester et de détester ses pensées à ce point-là, c'est un signe de la force de ta foi. Donc c'est une qualité. C'est une qualité. Et non pas un défaut. C'est une adoration. Et non pas un péché. C'est une adoration et non pas un péché. Ensuite, Nabi alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, selon Abu Huraira, dans les deux authentiques, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Shaitan vient à l'un d'entre vous, il lui dit, qui a créé un tel? Qui a créé un tel? Jusqu'à lui dire, et qui a créé ton Seigneur? Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, s'il arrive à ce degré, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il s'arrête instantanément et immédiatement. Il ne suit pas Shaitan dans son raisonnement fallacieux et dans son égarement. Et dans une autre riwaya qu'ils disent, j'ai cru en Allah. Il se rappelle sa foi. Shaitan, il veut le faire douter de sa foi. Il se rappelle sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit amantu billah. Dans une autre riwaya, il dit amantu billahi wa rusuli. J'ai cru en Allah et en ses messagers. Et c'est pas ce shaitan qui va me faire douter de ma foi. Donc, ça, c'est parmi les ahadith qui ont été rapportés à ce sujet. Le premier point que vous devez maîtriser, c'est de faire la distinction entre une ambiguïté et le waswas, comme j'ai dit. L'ambiguïté, tu donnes une solution, ça s'arrête instantanément et définitivement. Le waswas, si tu cherches à trouver des réponses, il va s'empirer, il va s'aggraver, il va devenir encore beaucoup plus dangereux pour toi, car il se nourrit de cela. Comme on va comprendre, et ça c'est parmi les points les plus importants dans cette conférence. Al-waswas, il se nourrit de ses réponses et de ses solutions que tu cherches à trouver. En réalité, tu le renforces. Tu le renforces. Là, la solution radicale, c'est de s'arrêter et de ne pas lui accorder de l'intérêt ni de l'importance. Car le waswas est une supposition qui vient dans notre esprit et la solution, comme le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, est l'indifférence totale. L'indifférence totale par rapport à ses pensées. Et c'est ça la solution qui a été préconisée par notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Il n'y a de solution que celle-là. Faut que tu saches, quand le Nabi alayhi salam te donne la solution, il n'y a pas autre solution que celle-là. Et pire encore de croire que ton pire ennemi, c'est lui qui va te proposer d'autres solutions contraires à ce que le Nabi alayhi salam a dit. Ça, c'est le summum de yani, le manque de bon sens et de bon raisonnement. C'est de croire que celui qui t'aime et qui est attaché à ton bien et qui te donne la solution et l'unique solution de ne pas prendre son enseignement et de prendre l'enseignement de ton pire ennemi, celui qui ne souhaite que te voir éternisé en enfer. Donc la solution, c'est l'ignorance totale et de ne surtout pas chercher à trouver des réponses, car ça empire la maladie et ça l'aggrave. Aussi, tu dois réaliser que comme tu acceptes d'être éprouvé par une maladie physique dans ton corps, une maladie, des problèmes de santé, tu peux être touché par une maladie qui touche à la raison. Qui touche à la raison. Car le waswas, c'est une maladie qui ne touche pas au corps. C'est une maladie qui touche à la raison et aux pensées. Ça, c'est aussi une maladie. Et il faut que tu acceptes que tu vas rester pendant la période qu'Allah a décrétée, tu vas rester éprouvé par cette maladie. Il faut que tu arrives à accepter ça et que tu vives avec ton état et avec ce que Allah a décrété. Comme quelqu'un qui est éprouvé par exemple, le diabète. Qu'Allah nous préserve et préserve tous les musulmans de toutes les catégories de maladies, à commencer par les pires qui sont les maladies du cœur et également les maladies du corps. Donc, quelqu'un qui est touché par un diabète, tu constates qu'il s'adapte à cette maladie, qu'il adapte sa vie et son mode de vie par rapport à cette maladie. Il vit avec, il arrive à faire son mieux avec les données qu'Allah lui a données, avec la situation dans laquelle il se trouve. Il est dans l'acceptation du décret d'Allah, il essaye de trouver des remèdes et des solutions et ça ne l'empêche pas de vivre normalement, et de faire son maximum. Et il sait pertinemment qu'il ne va pas manquer une récompense qu'il avait avant d'être éprouvé par la maladie. Et ça, c'est un point capital dans la compréhension de la maladie. Car beaucoup de personnes culpabilisent. Il te dit, avant, je lisais le Coran et je méditais le Coran et j'étais touché par le Coran. J'avais le khushu' quand je lisais, quand je faisais salat. Maintenant, j'ai perdu tout ça. Na'am, t'as perdu tout ça parce que t'es éprouvé par une maladie qui touche à ces domaines. Mais sache que Allah subhanahu wa ta'ala, il continuera à t'accorder tout ce que t'avais avant la maladie. Donc, ne te soucie plus de ça. Raisonne comme raisonne une personne touchée par une maladie physique. Donc, tu acceptes que tu es malade et que ça fait partie du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ton premier devoir, c'est l'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ta récompense sera complète. Elle ne sera point diminuée. Allahu Akbar. Et aussi, tu seras récompensé d'un autre point de vue. Tu seras récompensé pour cette épreuve par laquelle tu es touché et avec laquelle tu te comportes conformément aux enseignements de ton prophète, alayhi salatu wassalam. Et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lèvera cette maladie et ne permettra la disparition de cette maladie jusqu'à ce que tu sois purifié de tous tes péchés, comme le jour où ta mère t'a mis au monde, et que ton degré sera élevé dans le paradis, justement à cause de cette épreuve par laquelle tu as été touché. Regarde comment ce grand mal peut se transformer en la meilleure chose qui t'est jamais arrivée dans ta vie. Lakin, à la condition que tu agisses avec science et sous la lumière des textes, et que tu te conformes aux ordres d'Allah et de son prophète, et que tu acceptes le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu réalises qu'il est le sage par excellence, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut que tu saches, c'est des notions très importantes, c'est pour ça que je peux me répéter des fois, lakin, pour l'importance du point. Il faut que tu réalises que l'waswas ne touche que les personnes soucieuses de leur religion. Al-waswas ne touche que les personnes attachées à leur religion. Ça ne touche pas des gens insouciants. Ça ne touche pas des mécréants. Ça touche les meilleurs des croyants. Les gens qui sont très soucieux de leur religion et qui sont très attachés à leur religion. C'est pour ça qu'on Nabi Issa sallam, comme on a vu, quand il a été interrogé au sujet de ce waswas, il leur a dit, est-ce que vous avez eu ça? Ils ont dit oui. Il a dit, ça, c'est la foi ferme. Et comme dans l'autre version, ça, c'est la foi sincère. Car le fait de rejeter et de détester ses pensées, au point de ne pas pouvoir en parler, il te dit, parmi les personnes touchées, il te dit, j'ai eu des pensées que je ne peux pas dire, je ne peux pas les répéter. Tellement c'est grave pour lui. Allahu Akbar. Ça c'est un signe qu'il a une foi très forte, qui repousse tellement ces choses-là, au point il n'arrive pas à les prononcer. Alors que ce n'est pas une mécréance de les prononcer, uniquement pour faire savoir à la personne et pour avoir les réponses. Lakin, tellement il déteste ça, tellement sa foi est forte, il n'arrive pas à les répéter. Contrairement à une personne qui est très faible dans sa foi, son attachement est très faible à la religion, Shaitan il ne trouve aucune résistance pour lui faire yani, adhérer à ses pensées. Il ne trouve pas de résistance. Il arrive, il lui donne ses pensées, il les accepte facilement. Et la résistance, il la rencontre avec le croyant qui a une forte foi, qui a une foi ferme, une foi sincère. Ça, c'est un point très très important que tu ne dois jamais oublier. Ces pensées que tu as et cette réaction que ça crée dans ton cœur et en toi, c'est la foi ferme. Alors ne viens jamais me dire « Est-ce que je suis sorti de l'islam ?» Si tu dis « Est-ce que je suis sorti de l'islam ?» c'est que tu n'as pas accepté ce que le Nabi alayhi salam a dit et que tu as accepté ce que le shaitan dit. Le Nabi alayhi salam, il te dit « C'est la foi sincère, c'est la foi ferme. » Et le shaitan, il te dit « Non !» Tu doutes de ta religion. Donc, le waswas est un signe de la force de ta foi et non pas de la faiblesse de ta foi. Le waswas est un signe de ta certitude sur ta religion et non pas de ton doute au sujet de la religion. Et le Nabi alayhi salam a dit Alhamdulillah alladhi radda kaydahu ila al-waswasa. Quand il a parlé de Shaitan, il a dit « Alhamdulillah, il a dit « Radda kaydahu ila al-waswasa ». Alhamdulillah, qui a limité le mal de Shaitan ou waswas. Car Shaitan, tout ce qu'il peut avec toi, c'est ses pensées qu'il met dans ta tête. Il ne peut pas plus que ça. Alhamdulillah, qui a limité son mal, il aurait pu lui autoriser beaucoup plus que ça. Vu la force qu'Allah lui a donnée dans sa création. Lakin, Allah a limité son mal à ses pensées. Il ne peut pas plus que ça. Allahu Akbar. Et par rapport au remède prophétique de l'waswas, tu dois l'ignorer d'une manière complète. Ne pas en tenir compte du tout. En faire abstraction d'une manière absolue. Il ne doit pas, écoute bien ce que je dis, il ne doit pas y avoir chez toi une quelconque réaction ou waswas. Aucune réaction. Ça, c'est le remède prophétique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ » qu'il cherche refuge auprès d'Allah et qu'il s'arrête. Il ne doit pas y avoir une quelconque réaction chez toi face au waswas. Et ça, c'est un point qu'on va détailler, c'est le point fondamental dans le traitement de cette maladie. Il ne doit pas y avoir de réaction de ta part face au waswas de Shayatin. Naam. Tu cherches refuge auprès d'Allah et tu t'arrêtes immédiatement. Beaucoup se demandent, est-ce que je dois demander pardon à Allah après avoir eu ces pensées? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est une réaction face au waswas. Tu demandes pardon, c'est pour ça qu'il y a des savants qui voient que c'est une bid'a de demander pardon suite à ces waswas. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il te dit c'est la foi ferme et toi tu cherches à te repentir. Tu te repens de quoi? C'est pour ça, c'est pas légiféré. Et ça, c'est une forme de réaction. Ça indique que tu as accepté le waswas de Shaitan et que tu n'as pas la conviction que la vérité réside dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Je ne dis pas tu doutes, lakin ta conviction n'est pas assez forte pour s'opposer à ce que Shaitan dit. Donc, tu ne dois pas te repentir. Et tu ne dois pas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois t'arrêter et faire preuve d'abstraction et d'indifférence totale par rapport à ses pensées. Car ces waswas, ce sont tout simplement des illusions. Des illusions, oui, c'est une illusion, et ça ne fait pas partie du remède d'avoir une quelconque réaction par rapport au waswas. Même pas demander pardon. Ça va l'aggraver. Naam, ça va aggraver la maladie. Tu dois tout simplement faire ce que le prophète alayhi salam t'a dit, tu t'arrêtes et tu n'en tiens pas compte. Et tu fais abstraction de ce waswas. Également, parmi les remèdes que le Nabi alayhi salam nous a donnés, c'est de dire beaucoup, de répéter souvent, « Amantu billahi wa rasuli » »« J'ai cru en Allah et ses messagers » De réciter surat l'Ikhlas, « Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad » parmi les invocations qui nous ont été enseignées par le prophète, alayhi salam, et de dire « Huwa l'awwal wa l'akhir wa l'zahir wa l'batin, wa huwa bi kulli shay'in alim » de dire « Allah, Allahu Rabbi, la sharika lah » et d'avoir un wird de le Coran que tu récites quotidiennement. D'avoir un wird du Coran que tu récites quotidiennement. Également, parmi les remèdes extrêmement efficaces par rapport à ces waswas, c'est d'arriver à le tourner en dérision. En dérision, enfin. D'arriver à le tourner en dérision. Yani, autrement dit, d'arriver à s'en moquer. À se moquer de ce waswas. Car le waswas, en réalité, est semblable à un fou qui parle dans tes oreilles, dans ta tête. Est-ce que tu as déjà vu un homme sensé, ayant toute sa raison, qui réagit suite aux paroles d'un fou Imagine un fou qui est en train de te dire des choses à côté. Est-ce que tu as déjà vu un homme ayant toute sa raison qui réagit suite à ses paroles, qui essaie de le convaincre, non, ce que tu as dit, c'est pas comme ça, ou qui essaie à argumenter et à justifier et à expliquer, ou encore moins à demander pardon à Allah par rapport à ce que ce fou a dit? Est-ce qu'il demande pardon, il se repent à Allah suite aux paroles de ce fou? Jamais de la vie. C'est ainsi que tu dois être par rapport à toutes ces pensées qui viennent dans ta tête. Que ce soit dans le domaine de la croyance ou dans le domaine des adorations telles que les ablutions, la salat et ainsi de suite. Donc ça c'est le remède, c'est l'indifférence. Également parmi les réactions que tu puisses trouver chez certaines personnes, après avoir eu ce waswas obsessionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se rassurer qu'il est croyant, à vérifier qu'il est bien croyant. Ça, c'est une réaction face au waswas. Ça, c'est parmi les choses qui aggravent le waswas. Et le waswas ne doit pas te faire douter de ta foi. Nabi Issa te dit, c'est la foi ferme, c'est la foi sincère. Un fou à côté qui te dit des choses comme ça, est-ce que ça va te douter, ça va te faire douter de ta foi? Un seul instant? Jamais de la vie. Ça démontre, si tu cherches à te rassurer et à vérifier que tu es toujours croyant, c'est que tu es toujours réceptif au waswas de Shaitan. Et le waswas, frères et sœurs en Allah, se nourrit de tes soucis pour ta foi, de ta peur, de ton anxiété. Il se nourrit du fait que ses pensées te dérangent et te perturbent. Il s'alimente de tes paniques, car tu lui accordes de l'intérêt et de l'importance. Tu lui accordes de l'intérêt et de l'importance. Toute réaction au waswas le nourrit et le renforce, à commencer par la résistance. Tu peux trouver des frères et des sœurs, quand ils ont ces pensées-là, ils commencent à vouloir résister et à essayer de trouver des réponses à ce qu'ils pensent, eux, des ambiguïtés. Mais on a appris dans le premier point à faire la distinction entre les ambiguïtés et le waswas. Il le fait douter de sa foi. Est-ce que je suis sorti de l'islam? Est-ce que ça vient de moi? Ou pire encore, est-ce que je dois faire le rusl? Est-ce que je dois répéter la shahada? Ça, c'est bien évidemment encore beaucoup plus grave, mais tout ça nourrit al waswas. Comme on a vu, il n'est même pas légiféré de demander pardon, car le waswas, ce n'est pas un péché. Al waswas, quand tu l'as détesté, c'est une grande adoration pour toi. C'est une grande adoration. C'est quelque chose qui te rapproche d'Allah énormément. En réalité, quand tu réagis de cette manière, tu ne fais qu'aggraver ta situation. Il y a certains frères qui disent, yani Shaitan, ça c'est parmi les grands pièges de Shaitan. Il te dit, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Je vais répéter Shahada par précaution. Je n'ai rien à perdre. Là, tu es tombé dans le piège de Shaitan. Là, tu as réagi face au waswas. Et tu n'as pas suivi l'enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Jamais un fou, il te dit, t'es pas un croyant sincère, t'es un hypocrite. Et que cela va faire que tu vas refaire tes ablutions, là que tu vas faire le rusl, ou là que tu vas prononcer la shahada juste par précaution. Alors, face au waswas, tu dois te comporter comme face à un enfant de 3 ans ou de 4 ans ou face à un fou. C'est la même chose. Et ça, c'est, comme j'ai dit, c'est parmi les plus grands pièges de Shaitan et qui s'oppose à l'enseignement prophétique. Il faut savoir que toutes les solutions que Shaitan te propose s'opposent à ce que le Nabi Aïssa-Salam t'a enseigné. Je fais que par précaution. Je n'ai rien à perdre. Et après, petit à petit, il s'enfonce et sa situation s'empire et tu vas trouver que pour faire une seule salate ou là les ablutions une seule fois, il va mettre 3 heures, 4 heures. Il a commencé par précaution, il a fini ainsi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écouté ce que le Nabi Aïssa Salam a dit. Le Nabi Aïssa Salam a dit, tu t'arrêtes et tu ne tiens pas du tout compte de ça. C'est un fou qui parle dans tes oreilles. C'est ton pire ennemi qui parle dans tes oreilles avec ses pensées. Et ça ne vient pas de toi. Et tu ne dois pas douter un seul instant que ses pensées ne viennent pas de toi. C'est comme si le fou il dit dans tes oreilles de la mécréance et toi tu dis, est-ce que c'est moi qui ai dit ? Alors que le fou, il est juste à côté. Et parmi les dernières formes avec lesquelles vient l'ouaswas, quand quelqu'un il commence à suivre les enseignements, il faut savoir que Shaitan, il ne va jamais t'abandonner. Il faut savoir que l'ouaswas, il ne va jamais s'arrêter. Jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Et c'est là où il viendra avec son maximum de force. Car c'est sa dernière chance pour t'avoir dans son camp. L'ouaswas ne s'arrêtera jamais. Mais nous, on parle de l'ouaswas obsessionnel. Amma l'ouaswas, que tous on a des pensées qui viennent dans ta tête et que ta réaction est la réaction d'un homme tout à fait normal. Cela, ce n'est pas ça qui est visé ici. Ce qui est visé, c'est l'ouaswas obsessionnel, ces idées auxquelles tu ne peux pas résister. Plus forte que toi. Ça arrive à des degrés comme ça. Naam. Donc, quand tu commences à suivre les enseignements prophétiques, ne crois pas que l'ouaswas obsessionnel va s'arrêter. L'ouaswas va changer de forme pour te tromper. Il ne viendra pas toujours avec la même forme et la même chose. L'ouaswas, il change à chaque fois que tu le dévoiles et que tu arrives à pratiquer la solution du prophète, alayhi salatu wassalam, il change de forme. Et parmi les dernières formes avec lesquelles il vient, quand tu arrives à en faire abstraction totale et à ne plus le calculer, il va changer de forme. Il te dit, ton indifférence et ton insouciance est une preuve que tu as accepté ses pensées et ses idées. Et que c'est devenu quelque chose de pas grave pour toi. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est une des dernières formes de l'ouaswas. Tu ne le calcules plus, il te dit, t'es pas... Yani, ça revient toujours à la même chose. Imagine, toi, tu prends le remède préconisé par le Nabi Aïssa Salam par rapport à une maladie physique. Et tu commences à guérir. Et l'ouaswas, il commence à s'arrêter. Et à faiblir petit à petit. Un fou, il vient, il dit, le fait de que ce ouaswas commence à s'affaiblir est un signe que la maladie revient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le croire ? Ça, si le remède, il vient d'un médecin. Alors que dire quand le remède, il vient du prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui ne parle pas de lui-même, il ne parle que selon ce que Allah lui a révélé, alayhi salatu wassalam. Il y en a qui disent aussi, je veux me forcer à ne pas ou à ne plus le calculer. Donc, ce qui est demandé, c'est de ne plus calculer l'ouaswas. Naam, il l'a compris. Maintenant, il va faire des efforts pour ne plus le calculer. Et ça, c'est une erreur. Tu es toujours réceptif au waswas. Tu es toujours dans l'écoute du waswas. Si le fou à côté, toujours, il te donne des idées, est-ce que tu vas te dire, je vais me forcer à ne plus réagir à ce qu'il dit? Le fait de te forcer, d'essayer de résister, ça c'est que tu es toujours à l'écoute. Là, qui réagit comme réagit un homme normal face aux paroles d'un fou, il les entend comme s'il ne les entend pas. Ça ne fait rien en lui. Il n'a pas de réaction face à ses pensées. C'est ça ce que le Nabi Sallam nous a enseigné. C'est ce que le Nabi Sallam nous a enseigné. Donc, ces insufflations de shaitan doivent être pour toi comme un fou qui parle et on n'a jamais vu un homme ayant toute sa raison qui dit « je vais me forcer à ne pas écouter ce que ce fou dit » ou à ne pas être touché par ce qu'il dit. T'arrives, faut que t'arrives à vivre avec l'waswas et avec ses pensées. Et il faut que t'arrives à ce que la présence de ces pensées et leur disparition soient égales pour toi. Ils viennent ou ils ne viennent pas, c'est la même chose pour toi. De la même manière, quand ce fou parle à côté de toi, tu l'écoutes, t'écoutes ce qu'il dit ou t'écoutes pas, c'est égal. C'est un fou. C'est tout simplement un fou. Tu dis pas je vais réfuter le mal qu'il dit. C'est un fou. Tu dis pas je vais me repentir à cause de ce qu'il dit. C'est un fou. Et tu ne dis pas non plus je vais refaire mon rosl par précaution. C'est un fou. Si tu es touché d'une manière ou d'une autre, si tu réagis par rapport à ces waswas, c'est que tu es toujours réceptif et tu n'es pas encore guéri. Et que tu n'es pas encore guéri. Et que tu es encore victime de ces waswas. Faut que tu acceptes que le waswas soit présent. Car tous on est touchés par le waswas. Est-ce que tu crois que tu es le seul? Toi seulement tu ne réagis pas comme les autres. Tous on est touchés par le waswas. Tous on a des mauvaises pensées. Lakin, quand on n'est pas touché par le waswas obsessionnel, on réagit normalement. On ne calcule pas. Et personne d'entre nous ne va dire « Je vais faire le rusl, je vais refaire ma salat pour m'assurer. » Non, on ne fait pas ça. Et toi, tu dois arriver à la même chose. Qu'Allah nous le facilite à tous. Il faut savoir que personne n'est à l'abri d'être touché par le waswas. Si des compagnons ont été touchés, c'est que personne n'est à l'abri. Même celui qui vous parle maintenant, il n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont été touchés. Et le fait d'être touché par le waswas, c'est pas parce que tu es mauvais. C'est pas parce que t'es pas bon. C'est ce que Shaitan, il veut te faire croire. Nabi Isa Salam, il te dit la foi ferme, lui, il dit, t'es touché par ça parce que t'es mauvais. Et tu le crois. Encore une autre ruse. Et une autre réaction subtile. Il faut savoir que les réactions au waswas, au début, elles sont évidentes. Tout le monde arrive à voir que c'est des réactions face au waswas. Il te dit, je vais faire le rusl. Je vais me repentir, je vais refaire ma salat, je vais refaire shahada. Ça, c'est des réactions yani, flagrantes. Tout le monde voit que c'est des réactions de l'waswas. Et tout le monde voit que la personne, elle est malade. Mais il y a des réactions qui sont plus ou moins subtiles. Comme celle-là, par exemple. Et ça, c'est en général des réactions qui arrive en fin de processus de guérison, juste avant la guérison totale. Car le waswas, il ne perd pas d'espoir. Il ne perd pas l'espoir. À chaque fois que tu l'as dévoilé, tu as compris comment il faut faire à une étape, il passe à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, c'est le même remède, c'est la même solution, c'est la solution de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu t'arrêtes et tu cherches refuge auprès d'Allah. Tu dis amantu billahi wa rusuli, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Avec compréhension et méditation. Donc, vers la fin de ce processus de guérison, il y en a qui disent alhamdulillah, les wasawis ont totalement disparu de ma vie. Ont totalement disparu. Mais j'ai peur que ça revienne. Regardez comment ça a changé de forme et comment c'est devenu tellement subtil que la personne elle ne peut pas réaliser que le waswas il tente encore à revenir en force comme il était avant. Il est affaibli, sans aucun doute, mais là, il tente de revenir en force. Le waswas a disparu, mais j'ai peur que ça revienne. Le fou ne dit plus rien dans mes oreilles. Alhamdoulilah, il ne prononce plus la mécréance. Mais j'ai peur qu'il recommence et qu'il commence à répéter les mêmes choses encore. L'homme sensé n'a pas peur des paroles du fou. Il n'a pas peur de ses paroles. Et ça, c'est une erreur et ça démontre que tu es encore dans l'acceptation de l'waswas. Accepte que l'waswas accepte de vivre avec ce waswas. Comme celui qui est touché par le diabète, il accepte sa maladie. Il n'est pas en permanence dans des tests à se piquer, à faire ça. Est-ce que c'est parti? Est-ce que c'est encore là? Non. Il est malade, il est touché par une maladie. Donc, il va profiter de sa vie pleinement. Il va se rapprocher de son créateur pleinement, selon la capacité qu'Allah lui a donnée. Relativement à cette maladie par laquelle il est éprouvé. Et c'est pas lui qui l'a choisi, c'est Allah qui l'a choisi pour lui, c'est Allah qui l'a décrété. Donc il va faire de son mieux, il va essayer de s'en sortir avec les meilleurs des résultats selon sa capacité, et Allah ne lui a pas demandé plus que ça. Donc, il faut que tu acceptes que tu sois éprouvé par cette maladie. Et ça, c'est le début de la guérison et le début du remède. Si tu as peur que ça revienne, c'est que tu es toujours dans l'écoute du waswas. Car le waswas change de forme. À chaque fois que tu le dévoiles et que tu ne le calcules plus, il va trouver une autre astuce. Toi, sois toujours sur la même trajectoire, sur le même remède, l'indifférence totale, l'ignorer, ne pas le calculer. Ils disent, et ça c'est une belle parabole avec laquelle nous allons terminer, inshallah ta'ala, ils disent que al-waswas, les insufflations sataniques, sans semblable un mirage. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une illusion. C'est wasawis, c'est des illusions. C'est pas une réalité. C'est uniquement un wahm. Des illusions. C'est pour ça qu'ils disent que ces wasawis sont semblables un mirage. Si tu as peur du mirage, et tu n'arriveras jamais à traverser. Imaginons, de loin, tu vois un mirage. Et tu, pour toi, quand tu vois, tu as l'impression de voir de l'eau. Si tu as peur de ce mirage, tu n'arriveras jamais à traverser. Si tu as peur de ces wasawis et que ça te fasse douter de ta religion et que ça te fasse faire des demandes de tawba, des demandes de maghfira, de renouveler le rusl, de renouveler le shahada, tant que tu es réceptif et que tu as peur de ces wasawis, et que tu réagisses d'une manière ou d'une autre face à ces wasawis, tu n'arriveras jamais à les traverser. Comme tu n'arriveras jamais à traverser le mirage. Quand est-ce qu'on traverse le mirage? C'est celui qui va foncer et qui va continuer sur sa voie. Et il va rester sur la même trajectoire et à la même vitesse, il va continuer sur sa route. Et quand est-ce qu'il réalisera qu'il a traversé le mirage? Il le réalisera après l'avoir dépassé et que c'était qu'une illusion. Ce n'était pas quelque chose de réel. Le mirage est une illusion. Et après l'avoir traversé, il réalise que c'était rien du tout. C'était rien du tout après l'avoir... Mais il le réalise quand ? Il le réalise après l'avoir traversé. Mais avant, ça te semble comme quelque chose de dangereuse. Ça te semble comme quelque chose de dangereuse. Alors que ça ne représente aucun danger. Donc ça, c'est une parabole très profitable et très bénéfique qui est en lien avec cette illusion de l'ouaswas. L'ouaswas, il est semblable à ce mirage. Avant de le traverser, tu vois une menace, un danger. Mais une fois que tu arrives à le traverser, pour toi, c'était rien du tout. Et tu te dis, j'étais fou d'avoir eu peur de ce mirage. J'étais un fou. C'est rien. Lakin, comme c'est une épreuve, on ne le réalise qu'après l'avoir traversé. Qu'après l'avoir traversé. Et en ayant la certitude sur les enseignements prophétiques, c'est comme si tu l'as déjà traversé. Car c'est comme ça que tu arriveras à surmonter cette épreuve de l'ouaswas obsessionnel. Déjà, tu acceptes que l'ouaswas reste le temps qu'Allah voudra. C'est pas entre tes mains, est-ce que ça va disparaître demain, j'en ai marre de vivre comme ça, je suis pas comme les autres, pourquoi? Non, arrête tout ça, Akhil Karim. Arrête tout ça. T'es éprouvé. Comme les gens touchés par le diabète. Ils disent pas, j'en ai marre, je peux plus faire du sport de haut niveau. Non, c'est le décret d'Allah. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes et que tu suives les conseils et les enseignements de notre prophète, alayhi wassalam, pour t'en sortir. Mais ne vois pas quand est-ce que ça va disparaître. Je vais rester comme ça jusqu'à quand? Tant que Allah le voudra. Et comme j'ai dit, rappelle-toi les nombreuses sagesses à travers cette épreuve. Peut-être que avec ta guérison, tu seras purifié de tous tes péchés. Allahu Akbar. Et tu arriveras à des degrés que tu n'auras jamais pu atteindre avec tes propres actes. Alhamdulillah. Donc en résumé, ne tiens pas compte de ces wasawis. Ignore-les. Ne les calcule pas. Et ils vont disparaître avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que plus tu leur accordes de l'intérêt, plus tu réagis face à ces wasawis, plus ils vont s'installer. Et plus ils vont durer avec toi. Lakin, la solution réside dans le fait de s'arrêter et de ne pas en tenir compte. Également, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec un repentir général, pas par rapport à ses pensées. Repens-toi à Allah. Sois dans un mode de vie conforme à la législation d'Allah. Ça va t'aider. Fais tes salawat à la mosquée. Pour les hommes, pour les sœurs, couvre-toi correctement. Éloigne-toi de ces pseudo-hijabs qui se propagent aujourd'hui. Porte un hijab comme Allah a ordonné. Obéis à ton mari et le mari prend soin de ton épouse. C'est une amana. C'est parmi les dernières des recommandations du prophète alayhi salatu wassalam avec la salat. Donc, et multiplie l'évocation d'Allah dans ta journée. Lis le Coran quotidiennement. Répète souvent ayat al-kursi ou al-mu'awidat. Toutes ces choses-là qui vont éloigner Shaitan de toi d'une manière générale, mais ne pense pas que Shaitan, il va plus te faire de waswas. Shaitan, il n'a pas arrêté de faire le waswas aux prophètes et aux messagers d'Allah. Tu crois qu'il va te laisser toi? Non. Lakin, la question est de s'en sortir, de ce waswas obsessionnel. Cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous a dit, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Donc cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne réagis d'aucune manière face à ces waswas. Ne te soucie pas de ces waswas. Faut que tu arrives à ça. C'est comme ça que le Nabi alayhi sallam a dit. Voilà, c'est quelques conseils que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle me soit profitable à moi ainsi qu'à mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.